DMRG, DMG, 3G, 2012. Ok, trop de fuite, on va prendre suite, trop de dégoût via le vide, bois la tasse, trop de crash, je passe en suite. Je bloque la respi, mon pied dans la street. Je suis que devant cette fille, ma va prendre suite. Super qui prend la fuite, que mon amour au sens propre. Ce prénom au sens propre, ce pour un coup. Je suis de Pierre Paul Jack, voilà prends la prise. Double dans la file de cette pute qui disait des mots crus. Je suis pas un saint, mais je te manque depuis la vie de ces années. Pris au crible, paix au site pour les twins. Mais faux au crime de cet enfant terrible. 22h30, couteau dans le ventre. Plante des crames en séchant tes larmes. Tous parlent du gentil, moi je te parle de lui, de ce garçon qui sourit de rire, de me faire oublier mes pensées les plus terribles. Tous parlent du gentil, moi je te parle de lui, de ce garçon qui sourit de rire, de me faire oublier mes pensées les plus terribles. Ok, c'est un sang pour cet enfant qui depuis tant d'années, on lui tend la main sans tenir compte de son teint. Il pleure des rêves sur des nuits sans mensonge, il pleure des déserts sur des vies sans compte, sur des nuits sans partage. Sur ce nuage, j'ai gardé l'image de ton si beau visage. Mes rimes sont plongées dans la désaccord. J'oublie ce vice qui depuis petit se glisse entre mes mains, entre mes penses. De ce désir de risquer sa life entre les mains d'un croc. Ça passe entre les mains d'un monstre. J'ai rêvé d'un ciel de me courir entre le risque et le feu. Depuis j'ai cassé le visage de la violence entre mes moi, entre moi et mes garants. J'ai éteint cette lance qui depuis brillait comme un arc-en-ciel du gentil. Moi je te parle de lui, de ce garçon qui sourit de rire, de me faire oublier mes pensées les plus terribles. Du gentil, moi je te parle de lui, de ce garçon qui sourit de rire, de me faire oublier mes pensées les plus terribles. Du gentil, moi je te parle de lui, de ce garçon qui sourit de rire, de me faire oublier mes pensées les plus terribles. Du gentil, moi je te parle de lui, de ce garçon qui sourit de rire, de me faire oublier mes pensées les plus terribles. Du gentil, moi je te parle de lui, du garçon qui sourit de rire, de me faire oublier mes pensées les plus terribles. Ok, tous parlent de gentil, moi je te parle de lui. Garçon qui sourire et de rire, de me faire oublier mes pensées les plus terribles. Tous parlent du gentil, moi je te parle de lui, de tout garçon qui sourit et de rire, de faire oublier mes pensées les plus terribles. RG, 2MG, RG, 2MG, RG, 2MG, RG, KL, Christo. De 2012, RG.